L'amour n'est pas une friandise, il n'a rien d'une fantaisie. Et quand il fond sous nos désirs, il a plutôt un goût d'acide. L'amour attend toujours que nos langues se touchent et se délient pour pouvoir casser le sens de nos mots d'amoureux transis. L'amour n'est pas une friandise, il n'a rien d'une fantaisie. Et quand il fond sous nos désirs, il a plutôt un goût d'acide. L'amour attend toujours que nos langues se touchent et se délient pour pouvoir casser le sang de nos mots d'amoureux transis.